9. On connaît environ 4500 espèces d'abeilles sauvages. Il va de soi que nous ne les passerons pas en revue. Peut-être qu'un jour, une étude approfondie des observations et des expériences qu'on n'a pas faites jusqu'ici et qui demanderaient plus d'une vie d'homme éclaireront d'une lumière décisive l'histoire de l'évolution de l'abeille. Cette histoire n'a pas encore, que je sache, été méthodiquement entreprise. Il est à souhaiter qu'elle le soit, car elle toucherait à plus d'un problème aussi grand que ceux de bien des histoires humaines. Pour nous, sans plus rien affirmer, puisque nous entrons dans la région voilée des suppositions, nous nous contenterons de suivre dans sa marche vers une existence plus intelligente, vers un peu de bien-être et de sécurité, une tribu d'héminoptères, et nous marquerons d'un simple trait les points saillants de cette ascension plusieurs fois millénaire. La tribu en question est, nous le savons déjà, celle des apiens. Note. Il importe de ne pas confondre les trois termes, apiens, apides et apites, que nous emploierons tour à tour et que nous empruntons à la classification de M. Émile Blanchard. La tribu apienne comprend toutes les familles d'abeilles. Les apides forment la première de ces familles et se subdivisent en trois groupes, les méliponites, les apites et les bombites, bourdons. Enfin, les apites renferment les diverses variétés de nos abeilles domestiques. Fin de note. Dont les traits essentiels sont si bien fixés et si distincts qu'il n'est pas défendu de croire que tous ses membres descendent d'un ancêtre unique. Les disciples de Darwin, Hermann Müller entre autres, considèrent une petite abeille sauvage répandue par tout l'univers et appelée Prosopis, comme la représente actuelle de l'abeille primitive dont seraient nées toutes les abeilles que nous connaissons aujourd'hui. L'infortunée Prosopis est à peu près à l'habitante de nos ruches ce que serait l'homme des cavernes aux heureux de nos grandes villes. Peut-être, sans y prendre garde, et sans vous douter que vous aviez devant vous la vénérable aïeule à laquelle nous devons probablement la plupart de nos fleurs et de nos fruits. On estime en effet que plus de 100 000 espèces de plantes disparaîtraient si les abeilles ne l'y visitaient point. Et qui sait, notre civilisation même, car tout s'enchaîne dans ces mystères, peut-être l'avez-vous vue plus d'une fois dans un coin abandonné de votre jardin où elle s'agitait autour des broussailles. Elle est jolie et vive. La plus abondante en France est élégamment tachetée de blanc sur fond noir. Mais cette élégance cache un dénuement incroyable. Elle mène une vie famélique. Elle est presque nue alors que toutes ses sœurs sont vêtues de toisons chaudes et somptueuses. Elle ne possède aucun instrument de travail. Elle n'a pas de corbeille pour récolter le pollen comme les apides, ou, à leur défaut, la houppe coxale des andrènes, ou la brosse ventrale des gastrilégides. Il faut qu'elle ramasse péniblement, à l'aide de ses petites griffes, la poudre des calices, et qu'elle l'avale pour la porter dans sa tanière. Elle n'a d'autre outil que sa langue, sa bouche et ses pattes. Mais sa langue est trop courte, ses pattes sont débiles et ses mandibules sans force. Ne pouvant produire la cire, ni creuser le bois, ni fouir le sol, elle pratique de maladroites galeries dans la moelle tendre des ronces sèches, y installe quelques cellules grossièrement agencées, les pourvoit d'un peu de nourriture destinée à des enfants qu'elle ne verra jamais, puis, sa pauvre tâche accomplie pour une fin qu'elle ne connaît point et que nous ne connaissons pas davantage, elle s'en va mourir dans un coin, seule au monde, comme elle avait vécu. 10. Nous passerons sur bien des espèces intermédiaires où nous pourrions voir peu à peu la langue s'allonger pour puiser le nectar au creux d'un plus grand nombre de corolles. L'appareil collecteur de pollen, poils, houppes, brosses tibiales, tarsiennes et ventrales, poindre et se développer. Les pattes et les mandibules se fortifier. Des sécrétions utiles se former. Et le génie qui préside à la construction des demeures chercher et trouver en tous sens des améliorations surprenantes. Une telle étude exigerait un livre. Je n'en veux esquisser qu'un chapitre, moins qu'un chapitre, une page, qui nous montre à travers les tentatives hésitantes de la volonté de vivre et d'être plus heureux, la naissance, l'épanouissement et l'affermissement de l'intelligence sociale. Nous avons vu voleter la malheureuse Prosopis, qui porte en silence, dans ce vaste univers plein de forces effrayantes, son petit destin solitaire. Un certain nombre de ses sœurs, appartenant à des races déjà mieux outillées et plus habiles, par exemple les collettes bien vêtues, ou la merveilleuse coupeuse des feuilles du rosier, la mégachile centanculaire, vivent dans un isolement aussi profond. Et si par hasard, quelqu'un s'attache à elles et vient partager leur demeure, c'est un ennemi, ou plus souvent, un parasite. Car le monde des abeilles est peuplé de fantômes, plus étranges que les nôtres. Et mainte espèce a ainsi une sorte de double mystérieux et inactif, exactement pareil à la victime qu'il choisit, à cela près que sa paresse immémoriale lui a fait perdre un à un tous ses instruments de travail, et qu'il ne peut plus subsister qu'aux dépens du type laborieux de sa race. Note. Exemple. Les bourdons, qui ont pour parasites les psittyres, les stélides, qui vivent au détriment des antidies. On est obligé d'admettre, dit fort justement J. Pérez, les abeilles, à propos de l'identité fréquente du parasite et de sa victime, on est obligé d'admettre que les deux genres ne sont que deux formes d'un même type, et sont unis entre eux par la plus étroite affinité. Pour les naturalistes qui adhèrent à la doctrine du transformisme, cette parenté n'est pas purement idéale, elle est réelle. Le genre parasite ne serait qu'une lignée issue du genre récoltant et ayant perdu les organes de récolte par suite de son adaptation à la vie parasitique. Fin de note. Cependant, parmi les abeilles qu'on a appelées d'un nom un peu trop catégorique les apides solitaires, pareilles à une flamme écrasée sous l'amas de matière qui étouffe toute vie primitive, couvent déjà l'instinct social. Ça et là, dans des directions inattendues, par éclats timides et parfois bizarres, comme pour le reconnaître, il parvient à percer le bûcher qui l'opprime et qui un jour nourrira son triomphe. Si tout est matière en ce monde, on surprend ici le mouvement le plus immatériel de la matière. Il s'agit de passer de la vie égoïste, précaire et incomplète, à la vie fraternelle, un peu plus sûre et un peu plus heureuse. Il s'agit d'unir idéalement par l'esprit ce qui est réellement séparé par le corps, d'obtenir que l'individu se sacrifie à l'espèce et de substituer ce qui ne se voit pas aux choses qui se voient. Est-il étonnant que les abeilles ne réalisent pas du premier coup ce que nous, qui nous trouvons au point privilégié, d'où l'instinct rayonne de toutes parts dans la conscience, n'avons pas encore démêlé? Aussi est-il curieux, presque touchant, de voir comme l'idée nouvelle tâtonne d'abord dans les ténèbres qui enveloppent tout ce qui naît sur cette terre. Elle sort de la matière, elle est encore toute matérielle. Elle n'est que du froid, de la faim, de la peur, transformée en une chose qui n'a pas encore de figure. Elle rampe confusément autour des dangers, autour des longues nuits, de l'approche de l'hiver, d'un sommeil équivoque qui est presque la mort. 11. Les xylocopes, nous l'avons vu, sont de puissantes abeilles qui taraudent leur nid dans le bois sec. Elles vivent toujours solitaires. Pourtant, vers la fin de l'été, il arrive qu'on trouve quelques individus d'une espèce particulière, Xylocopa canescens, groupés frileusement dans une tige d'asphodèle pour passer l'hiver en commun. Cette fraternité tardive est exceptionnelle chez les xylocopes, mais chez leurs plus proches parentes, les cératines, l'habitude est déjà invariable. Voilà l'idée qui pointe. Elle s'arrête aussitôt, et jusqu'ici, chez les xylocopides, elle n'a pu dépasser cette première ligne obscure de l'amour. Chez d'autres apiens, l'idée qui se cherche prend d'autres formes. Les calicodomes, des hangars, qui sont des abeilles maçonnes, les dasypodes et les halictes, qui creusent des terriers, se réunissent en colonies nombreuses pour construire leur nid. Mais c'est une foule illusoire formée de solitaires. Nulle entente, nulle action commune. Chacun, profondément isolé dans la multitude, bâtit sa demeure pour soi seul sans s'occuper de son voisin. C'est, dit M. J. Pérez, un simple concours d'individus que les mêmes goûts, les mêmes aptitudes rassemblent au même endroit où la maxime de chacun pour soi se pratique dans toute sa rigueur. Enfin, une cohue de travailleurs appelant l'essaim d'une ruche uniquement par le nombre et l'ardeur. De telles réunions sont donc la simple conséquence du grand nombre d'individus habitant la même localité. Mais chez les panurgues, cousines des dasypodes, un petit trait de lumière jaillit soudain et éclaire la naissance d'un sentiment nouveau dans l'agglomération fortuite. Elles se réunissent à la manière des précédentes et chacune fouille pour son compte sa chambre souterraine. Mais l'entrée, le couloir qui de la surface du sol conduit aux terriers séparés, est commun. Ainsi, dit encore M. Pérez, pour ce qui est du travail des cellules, chacune se comporte comme si elle était seule, mais toutes utilisent la galerie d'accès. Toutes, en ceci, profitent du travail d'une seule et s'épargnent ainsi le temps et la peine d'établir chacune une galerie particulière. Il y aurait intérêt à s'assurer si ce travail préliminaire lui-même ne s'exécuterait pas en commun et si plusieurs femelles ne se relayeraient pas pour y prendre part à tour de rôle. Quoi qu'il en soit, l'idée fraternelle vient de percer la paroi qui séparait deux mondes. Ce n'est plus l'hiver, la faim ou l'horreur de la mort qui l'arrache à l'instinct, affolé et méconnaissable. C'est la vie active qui la suggère. Mais cette fois encore, elle s'arrête court, elle ne parvient pas à s'étendre davantage dans cette direction. N'importe, elle ne perd pas courage, elle tente d'autres chemins. Et voici qu'elle pénètre chez les Bourdons, y mûrit, y prend corps dans une atmosphère différente et opère les premiers miracles décisifs. 12. Les Bourdons, ces grosses abeilles velues, sonores, effrayantes mais pacifiques, et que nous connaissons tous, sont d'abord solitaires. Dès les premiers jours de mars, la femelle fécondée qui a survécu à l'hiver commence la construction de son nid, soit sous terre, soit dans un buisson, selon l'espèce à laquelle elle appartient. Elle est seule au monde dans le printemps qui s'éveille. Elle déblaie, creuse, tapisse le lieu choisi. Elle façonne ensuite d'assez informes cellules de cire. Les garnit de miel et de pollen, pond, couve les œufs, soigne et nourrit les larves qui éclosent, et bientôt elle est entourée d'une troupe de filles qui l'assistent dans tous ses travaux du dedans et du dehors, et dont quelques-unes se mettent à pondre à leur tour. Le bien-être augmente, la construction des cellules s'améliore, la colonie s'accroît. La fondatrice en demeure l'âme et la mère principale, et se trouve à la tête d'un royaume qui est comme l'ébauche de celui de notre abeille mellifique. Ébauche d'ailleurs assez grossière, la prospérité y est toujours limitée, les lois sont mal définies et mal obéies, le cannibalisme, l'infanticide primitif reparaissent par intervalles. L'architecture est informe et dispendieuse, mais ce qui, plus que tout, différencie les deux cités, c'est que l'une est permanente et l'autre éphémère. En effet, celle des Bourdons périra tout entière à l'automne. Ses 300 ou 400 habitants mourront sans laisser trace de leur passage. Tout cet effort sera dispersé, et il n'y survivra qu'une seule femelle qui, au printemps prochain, recommencera dans la même solitude et le même dénuement que sa mère, le même travail inutile. Il n'en reste pas moins que cette fois l'idée a pris conscience de sa force. Nous ne la voyons pas excéder cette borne chez les Bourdons, mais à l'instant, fidèle à sa coutume, par une sorte de métempsychose infatigable, elle va s'incarner, toute frémissante encore de son dernier triomphe, toute puissante et presque parfaite, dans un autre groupe, l'avant-dernier de la race, celui qui précède immédiatement notre abeille domestique qui la couronne. J'entends le groupe des méliponites, qui comprend les mélipones et les trigones tropicaux. 13. Ici, tout est organisé comme dans nos ruches. Il y a une mère, probablement unique. Note. Il n'est pas certain que le principe de la royauté ou de la maternité unique soit rigoureusement respecté chez les méliponites. Blanchard pense avec raison que, étant dépourvu d'aiguillons et ne pouvant par conséquent s'entretuer aussi facilement que les reines abeilles, plusieurs femelles vivent probablement dans la même ruche. Mais le fait n'a pu être vérifié jusqu'ici à cause de la grande ressemblance entre femelles et ouvrières et de l'impossibilité d'élever les mélipones sous notre climat. Fin de note. Des ouvrières stériles et des mâles. Même certains détails y sont mieux réglés. Les mâles, par exemple, ne sont pas complètement oisifs. Ils sécrètent de la cire. L'entrée de la cité est plus soigneusement défendue. Durant les nuits froides, une porte la ferme. Dans les nuits chaudes, une sorte de rideau qui laisse passer l'air. Mais la République est moins forte. La vie générale moins assurée. La prospérité plus bornée que chez nos abeilles. Et partout où l'on introduit celle-ci, les méliponites tendent à disparaître devant elles. L'idée fraternelle s'est également et magnifiquement épanouie dans les deux races, excepté sur un point où chez l'une elle n'a guère dépassé ce qu'elle avait déjà réalisé dans l'étroite famille des Bourdons. Ce point, c'est l'organisation mécanique du travail en commun, l'économie précise de l'effort, en un mot, l'architecture de la cité qui est manifestement inférieure. Il suffira de rappeler ce que j'en ai dit au livre 3, chapitre 18 de ce volume, en y ajoutant que dans les ruches de nos apites, toutes les cellules sont indifféremment propres à l'élevage du couvain et à l'emmagasinage des provisions, et durent aussi longtemps que la cité même, au lieu que chez les méliponites, elles ne peuvent servir qu'à une fin, et celles qui forment les berceaux des jeunes nymphes sont détruites après l'éclosion de celles-ci. C'est donc chez nos abeilles domestiques que l'idée a pris sa forme la plus parfaite. Et voilà un tableau rapide et incomplet des mouvements de cette idée. Ces mouvements sont-ils fixés une fois pour toutes dans chaque espèce, et la ligne qui les relie n'existe-t-elle que dans notre imagination ? Ne bâtissons pas encore de système dans cette région mal explorée. N'allons qu'à des conclusions provisoires et, si nous le voulons, penchons plutôt vers les plus pleines d'espérance, car s'il fallait absolument choisir, quelques lueurs nous indiquent déjà que les plus désirées seront les plus certaines. Du reste, reconnaissons encore que notre ignorance est profonde. Nous apprenons à ouvrir les yeux. 1000 expériences qu'on pourrait faire n'ont pas été tentées. Par exemple, les prosopices, prisonnières et forcées de cohabiter avec leurs semblables, pourraient-elles à la longue franchir le seuil de fer de la solitude absolue, prendre plaisir à se réunir comme les dasypodes et faire un effort fraternel pareil à celui des panurgues? Les panurgues, à leur tour, dans des circonstances imposées et anormales, passeraient-ils du couloir commun à la chambre commune? Les mères des bourdons, hivernées ensemble, élevées et nourries en captivité, arriveraient-elles à s'entendre et à diviser le travail? Et les méliponites, leur a-t-on donné des rayons de cire gaufrés? Leur a-t-on offert des amphores artificielles pour remplacer leurs curieuses amphores à miel? Les accepteraient-elles? En tireraient-elles parti? Et comment adapteraient-elles leurs habitudes à cette architecture insolite? Question qui s'adresse à de bien petits êtres, et qui pourtant renferme le grand mot de nos plus grands secrets. Nous n'y pouvons répondre, car notre expérience date d'hier. En comptant depuis Réaumur, voici à peu près un siècle et demi qu'on observe les mœurs de certaines abeilles sauvages. Réaumur n'en connaissait que quelques-unes, nous en avons étudié quelques autres. Mais des centaines, des milliers peut-être, n'ont été interrogées jusqu'ici que par des voyageurs ignorants ou pressés. Celles que nous connaissons depuis les beaux travaux de l'auteur des Mémoires n'ont rien changé à leurs habitudes. Et les bourdons qui, vers 1730, se poudraient d'or, vibraient comme le délectable murmure du soleil et se gorgeaient de miel dans les jardins de Charenton, étaient tout pareils à ceux qui, l'avril revenu, bourdonneront demain, à quelques pas de là, dans le bois de Vincennes. Mais de Réaumur à nos jours, c'est un clin d'œil du temps que nous examinons, et plusieurs vies d'hommes bout à bout ne forment qu'une seconde dans l'histoire d'une pensée de la nature. 14. Si l'idée que nous avons suivie des yeux a pris sa forme suprême chez nos abeilles domestiques, ce n'est pas à dire que tout soit irréprochable dans la ruche. Un chef-d'œuvre, la cellule hexagonale, y atteint, à tous les points de vue, la perfection absolue. Il serait impossible à tous les génies assemblés d'y améliorer rien. Aucun être vivant, pas même l'homme, n'a réalisé au centre de sa sphère ce que l'abeille a réalisé dans la sienne. Et si une intelligence étrangère à notre globe venait demander à la Terre l'objet le plus parfait de la logique de la vie, il faudrait lui présenter l'humble rayon de miel. Mais tout n'est pas égal à ce chef-d'œuvre. Déjà, nous avons noté à la rencontre quelques fautes et quelques erreurs, parfois évidentes, parfois mystérieuses. La surabondance et l'oisiveté ruineuse des mâles, la parthénogenèse, les risques du vol nuptial, l'essaimage excessif, le manque de pitié, le sacrifice presque monstrueux de l'individu à la société. Ajoutons-y une propension étrange à emmagasiner d'énormes masses de pollen qui, inutilisées, ne tardent pas à rancir, à durcir et à encombrer les gâteaux. Le long interrègne stérile qui va du premier essaimage à la fécondation de la seconde reine, etc., etc. De ces fautes, la plus grave, la seule qui, sous nos climats, soit presque toujours fatale, c'est l'essaimage répété. Mais n'oublions pas que sous ce rapport, la sélection naturelle de l'abeille domestique est, depuis des milliers d'années, contrariée par l'homme. De l'Égyptien du temps des pharaons à nos paysans d'aujourd'hui, l'éleveur a toujours agi à contre-biais des désirs et des avantages de l'espèce. Les ruches les plus prospères sont celles qui ne jettent qu'un essaim dès le commencement de l'été. Elles remplissent ainsi leur désir maternel, assurent le maintien de la souche, le renouvellement nécessaire des reines et l'avenir de l'essaim, qui, nombreux et précoces, a le temps de bâtir des demeures solides et bien approvisionnées avant la venue de l'automne. Il est certain que livrées à elles-mêmes, ces ruches et leurs rejetons, survivant seuls aux épreuves de l'hiver qui eussent presque régulièrement anéanti les colonies animées d'instincts différents, la règle de l'essaimage restreint se fut peu à peu fixée dans nos races septentrionales. Mais ce sont précisément ces ruches prudentes, opulentes et acclimatées, que l'homme a toujours détruites pour s'emparer de leurs trésors. Il ne laissait, et ne laisse encore, dans la pratique routinière, survivre que les colonies, souches épuisées, essaims secondaires ou tertiaires, qui ont à peu près de quoi passer l'hiver, ou auxquels ils donnent quelques déchets de miel pour compléter leur misérable provision. Il en est résulté que l'espèce s'est probablement affaiblie, que la tendance à l'essaimage excessif s'est héréditairement développée, et aujourd'hui presque toutes nos abeilles, surtout nos abeilles noires, essaiment trop. Depuis quelques années, les méthodes nouvelles de l'apiculture mobiliste sont venues combattre cette habitude dangereuse. Et quand on voit avec quelle rapidité la sélection artificielle agit sur la plupart de nos animaux domestiques, sur les bœufs, les chiens, les moutons, les chevaux, les pigeons, pour ne les pas citer tous, il est permis de croire qu'avant peu, nous aurons une race d'abeilles qui renoncera presque entièrement à l'essaimage naturel et tournera toute son activité à la récolte du miel et du pollen. 15. Mais les autres fautes, une intelligence qui prendrait plus clairement conscience du but, la vie commune ne pourrait-elle s'en affranchir? Il y aurait beaucoup à dire sur ces fautes qui, tantôt, émanent de l'inconnu de la ruche, tantôt, ne sont qu'une suite de l'essaimage et de ses erreurs où nous avons pris part. Mais d'après ce qu'il a vu jusqu'ici, chacun peut à son gré accorder ou dénier toute intelligence aux abeilles. Je ne tiens pas à les défendre. Il me semble qu'en maintes circonstances, elles montrent de l'entendement, mais elles feraient aveuglément tout ce qu'elles font que ma curiosité n'en serait pas amoindrie. Il est intéressant de voir un cerveau trouver en soi des ressources extraordinaires pour lutter contre le froid, la faim, la mort, le temps, l'espace, la solitude, tous les ennemis de la matière qui s'animent. Mais qu'un être parvienne à maintenir sa petite vie compliquée et profonde, sans excéder l'instinct, sans rien faire que de très ordinaire, cela est bien intéressant et bien extraordinaire aussi. L'ordinaire et le merveilleux se confondent et se valent quand on les met à leur place véritable au sein de la nature. Ce n'est plus eux qui portent des noms usurpés, c'est l'incompris et l'inexpliqué qui doivent arrêter nos regards, réjouir notre activité et donner une forme nouvelle et plus juste à nos pensées, à nos sentiments et à nos paroles. Il y a sagesse à ne point s'attacher à autre chose. 16. Au surplus, nous n'avons guère qualité pour juger, au nom de notre intelligence, les fautes des abeilles. Ne voyons-nous point parmi nous la conscience et l'intelligence vivre longtemps au milieu des erreurs et des fautes, sans les apercevoir, plus longtemps encore sans y porter remède. S'il existe un être que sa destinée appelle spécialement, presque organiquement, à prendre conscience, à vivre et à organiser la vie commune selon la raison pure, c'est bien l'homme. Pourtant, voyez ce qu'il en fait, et comparez les fautes de la ruche à celles de notre société. Si nous étions des abeilles qui observassent des hommes, notre étonnement serait grand à examiner, par exemple, l'illogique et injuste organisation du travail dans une tribu d'êtres qui, par ailleurs, nous semblerait douée d'une raison éminente. Nous verrions la surface de la terre, unique source de toute la vie commune, péniblement et insuffisamment cultivée par 2 ou 3 dixièmes de la population totale. Un autre dixième, absolument oisif, absorbait la meilleure part des produits de ce premier travail. Les 7 derniers dixièmes, condamnés à une demi-faim perpétuelle, s'épuiser sans relâche en efforts étranges et stériles dont ils ne profitent jamais et qui ne paraissent servir qu'à rendre plus compliquée et plus inexplicable l'existence des oisifs. Nous en induirions que la raison et le sens moral de ces êtres appartiennent à un monde tout différent du nôtre et qu'ils obéissent à des principes que nous ne devons pas espérer de comprendre. Mais ne poussons pas plus loin cette revue de nos fautes. aussi bien sont-elles toujours présentes à notre esprit. Il est vrai que, présentes, elles y font peu de choses. Ce n'est guère que de siècle en siècle que l'une d'elles se lève, secoue un instant son sommeil, pousse un cri de stupeur et tire le bras endolori qui soutenait sa tête, change de position, se recouche, se rendort, jusqu'à ce qu'une nouvelle douleur, née des mornes fatigues du repos, la réveille. 17. L'évolution des apiens, ou tout au moins des apites, étant admise, puisqu'elle est plus vraisemblable que leur fixité, quelle est donc la direction constante et générale de cette évolution ? Elle paraît suivre la même courbe que la nôtre. Elle tend visiblement à amoindrir l'effort, l'insécurité, la misère, à augmenter le bien-être, les chances favorables et l'autorité de l'espèce. À cette fin, elle n'hésite pas à sacrifier l'individu, en compensant par la force et le bonheur commun l'indépendance, d'ailleurs illusoire et malheureuse, de la solitude. On dirait que la nature estime, comme Périclès dans Thucydide, que les individus, alors même qu'ils y souffrent, sont plus nombreux au sein d'une ville dont l'ensemble prospère, que si l'individu prospère et l'État dépérit. Elle protège l'esclave laborieux dans la cité puissante et abandonne aux ennemis sans forme et sans nom qui habitent toutes les minutes du temps, tous les mouvements de l'univers, toutes les infractuosités de l'espace, le passant sans devoir dans l'association précaire. Ce n'est pas le moment de discuter cette pensée de la nature, ni de se demander s'il convient que l'homme la suive. Mais il est certain que partout où la masse infinie nous permet de saisir l'apparence d'une idée, l'apparence prend ce chemin dont on ne connaît pas le terme. Pour ce qui nous regarde, il suffira de constater le soin avec lequel la nature s'attache à conserver et à fixer dans la race qui évolue tout ce qui a été conquis sur l'inertie hostile de la matière. Elle marque un point à chaque effort heureux et met en travers du recul qui serait inévitable après l'effort on ne sait quelles lois spéciales et bienveillantes. Ce progrès, qu'il serait difficile de nier dans les espèces les plus intelligentes, n'a peut-être d'autre but que son mouvement même, et ignore où il va. En tout cas, dans un monde où rien, sinon quelques faits de ce genre, n'indique une volonté précise, il est assez significatif de voir certains êtres s'élever ainsi graduellement et continuellement depuis le jour où nous avons ouvert les yeux. Et quand les abeilles ne nous auraient révélé autre chose que cette mystérieuse spirale de lueur dans la nuit toute puissante, c'en serait assez pour ne pas regretter le temps consacré à l'étude de leurs petits gestes et de leurs humbles habitudes, si éloignés et pourtant si proches de nos grandes passions et de nos destins orgueilleux. 18. Il se peut que tout cela soit vain et que notre spirale de lueur, aussi bien que celle des abeilles, ne s'éclaire que pour amuser les ténèbres. Il se peut encore qu'un énorme incident, provenu du dehors, d'un autre monde ou d'un phénomène nouveau, donne tout à coup un sens définitif à cet effort ou définitivement le détruise. Cependant, suivons notre route comme si rien d'anormal ne devait survenir. Nous saurions que demain une révélation, par exemple une communication avec une planète plus ancienne et plus lumineuse, dû bouleverser notre nature, supprimer les passions, les lois et les vérités radicales de notre être. Le plus sage serait de consacrer tout cet aujourd'hui à s'intéresser à ses passions, à ses lois et à ses vérités, à les accorder en notre esprit, à demeurer fidèles à notre destinée, qui est d'asservir et d'élever quelques degrés en nous-mêmes et autour de nous les forces obscures de la vie. Il est possible que rien n'en subsiste dans la révélation nouvelle. Mais il est impossible que ceux qui auront accompli jusqu'au bout la mission qui est par excellence la mission humaine ne se trouvent pas au premier rang pour accueillir cette révélation. Et alors même qu'elle leur apprendrait que le seul devoir véritable fut l'incuriosité et la résignation à l'inconnaissable, mieux que les autres, ils sauront comprendre cette incuriosité et cette résignation définitive et en tirer parti. 19. Et puis, ne poussons pas nos rêves de ce côté. Que la possibilité d'un anéantissement général n'entre point dans le calcul de nos besognes, non plus que l'assistance miraculeuse d'un hasard. Jusqu'ici, malgré les promesses de notre imagination, nous avons toujours été livrés à nous-mêmes et à nos seules ressources. C'est par nos efforts les plus humbles que nous avons réalisé tout ce qui a été fait d'utile et de durable sur cette terre. Libre à nous d'attendre le mieux ou le pire de quelque accident étranger, mais à la condition que cette attente ne se mêle pas à notre tâche humaine. Ici encore, les abeilles nous donnent une leçon excellente, comme toute leçon de la nature. Pour elles, il y eut vraiment une intervention prodigieuse. Elles sont livrées, plus manifestement que nous, aux mains d'une volonté qui peut anéantir ou modifier leur race et transformer leur destinée. Elles n'en suivent pas moins leurs devoirs primitifs et profonds. Et ce sont précisément celles d'entre elles qui obéissent le mieux à ce devoir, qui se trouvent le mieux préparées à profiter de l'intervention surnaturelle qui élève aujourd'hui le sort de leur espèce. Or, il est moins difficile qu'on ne croit de découvrir le devoir invincible d'un être. On peut toujours le lire dans l'organe qui le distingue et auquel sont subordonnés tous les autres. Et de même qu'il est inscrit sur la langue, dans la bouche et dans l'estomac des abeilles qu'elles doivent produire le miel, il est inscrit dans nos yeux, dans nos oreilles, dans nos moelles, dans tous les lobes de notre tête, dans tout le système nerveux de notre corps, que nous sommes créés pour transformer ce que nous absorbons des choses de la terre en une énergie particulière et d'une qualité unique sur ce globe. Nul être que je sache n'a été agencé pour produire comme nous ce fluide étrange que nous appelons pensée, intelligence, entendement, raison, âme, esprit, puissance cérébrale, vertu, bonté, justice, savoir. Car il possède mille noms, bien qu'il n'ait qu'une essence. Tout en nous lui fut sacrifié, nos muscles, notre santé, l'agilité de nos membres, l'équilibre de nos fonctions animales, la quiétude de notre vie, porte la peine grandissante de sa prépondérance. Il est l'état le plus précieux et le plus difficile où l'on puisse élever la matière. La flamme, la chaleur, la lumière, la vie même, puis l'instinct, plus subtil que la vie, et la plupart des forces insaisissables qui couronnaient le monde avant notre venue, ont pâli au contact de l'effluve nouveau. Nous ne savons où il nous mène, ce qu'il fera de nous, ce que nous en ferons. Ce sera à lui de nous l'apprendre quand il règnera dans la plénitude de sa force. En attendant, ne pensons qu'à lui donner tout ce qu'il nous demande, à lui sacrifier tout ce qui pourrait retarder son épanouissement. Il n'est pas douteux que c'est là, pour l'instant, le premier et le plus clair de nos devoirs. Il nous enseignera les autres par surcroît. Il les nourrira et les prolongera selon qu'il les nourrit lui-même, comme l'eau des hauteurs nourrit et prolonge les ruisseaux de la plaine selon l'aliment mystérieux de sa cime. Ne nous tourmentons pas de connaître qui tirera parti de la force qui s'accumule ainsi à nos dépens. Les abeilles ignorent si elles mangeront le miel qu'elles récoltent. Nous ignorons également qui profitera de la puissance spirituelle que nous introduisons dans l'univers. Comme elles vont de fleurs en fleurs recueillir plus de miel qu'il n'en faut à elles-mêmes et à leurs enfants, allons aussi, de réalités en réalités, chercher tout ce qui peut fournir un aliment à cette flamme incompréhensible, afin d'être prêts à tout événement dans la certitude du devoir organique accompli. Nourrissons-la de nos sentiments, de nos passions, de tout ce qui se voit, se sent, s'entend, se touche, de sa propre essence qui est l'idée qu'elle tire des découvertes, des expériences, des observations qu'elle rapporte de tout ce qu'elle visite. Il arrive alors un moment où tout se tourne si naturellement à bien pour un esprit qui s'est soumis à la bonne volonté du devoir réellement humain, que le soupçon même que les efforts où il s'évertue sont peut-être sans but, rend encore plus clair, plus pur, plus désintéressé, plus indépendante et plus noble l'ardeur de sa recherche. Ici se termine La vie des abeilles de Maurice Maeterlinck.